إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Donc mes frères bien-aimés, de par la grâce d'Allah subhanahu wa azzawajal et ses bienfaits sur nous, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de tawhid, à travers lesquels nous sommes actuellement en train de citer les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces noms merveilleux, sublissimes, et nous tentons de citer une partie de leur sens, de leur portée, et de comment les recenser et comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ces noms sublimes. Et justement, la fois passée, ou bien lors du dernier cours, nous avons cité comment recenser ces noms, et nous avons cité également comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ces noms. Et nous avons cité dans cela les deux premiers points. Le premier point étant le fait de savoir qu'Allah, élevé soit-il, c'est tout ce que font ses serviteurs, même lorsqu'ils s'y réunissent toutes les formes de dissimulation. Il sait ce que les serviteurs accomplissent comme acte interdit, et il connaît leurs mauvaises intentions qui transforment les actes licites en principe en des actes illicites. Le deuxième point, c'est le fait de savoir qu'Allah, élevé soit-il, efface les péchés et les pardonne, quel que soit leur nombre, leur gravité, leur répétition. Aucun péché n'est trop immense pour qu'il ne puisse le pardonner. Entre dans cela la mécréance, l'associationnisme, l'innovation religieuse, les péchés majeurs et les péchés mineurs. Ce qui nourrit en toi l'espoir en Allah, la bonne opinion de lui et ne pas désespérer de sa miséricorde. Chose qui consolide la ferme résolution de faire des efforts pour réformer sa personne, se repentir et revenir vers son Seigneur. Et nous avons un bon exemple dans l'histoire de celui qui a tué 99 personnes. Donc voilà les principaux points que nous avons cités. Et bien sûr, nous avons cité les preuves selon ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jalla, nous poursuivons et nous citerons, Inch'Allah, d'autres éléments pratiques de comment adorer Allah Azza wa Jalla à travers ces noms merveilleux, ces plus beaux noms, Subhanahu Azza wa Jalla, qui sont le grand pardonneur, le très pardonneur et l'absoluteur, Subhanahu Azza wa Jalla. Et c'est au prix de lui, Subhanahu Azza wa Jalla, que j'implore succès, rectitude et droiture dans ce qui va être dit, et profit pour celui qui dit, celui qui entend cela. Amen. Comment adorer Allah Azza wa Jalla à travers ces noms merveilleux, ces plus beaux noms, ces noms parmi les plus beaux, le grand pardonneur, le très pardonneur et l'absoluteur. Nous avons cité deux éléments jusqu'à présent. Le troisième que nous citerons, Inch'Allah Azza wa Jal, c'est savoir qu'Allah, élevé soit-il, est un juge équitable et un rétributeur bienfaisant. Il fait absolument ce qu'il veut et nul ne peut contester son jugement. S'il saisit pour le péché, c'est par justice. Et s'il pardonne et efface, c'est par sa pure volonté, par sa vaste science et son étendue sagesse, et par beauté de sa bienfaisance et par noblesse de sa promesse. Allah est le très pardonneur, le grand pardonneur. Allah, c'est l'absoluteur, celui qui absout les péchés, les efface. Cela doit faire naître en toi, doit graver dans ton cœur. Cela doit nourrir dans ta croyance, dans ta foi, dans ton esprit, qu'Allah Azza wa Jal est le juge. Le juge suprême, le juge réel, l'unique et le seul vrai juge, qui jugera lorsqu'il n'y aura aucun juge autre que lui. C'est le juge qui jugera tes œuvres, tes actes, apparents, inapparents, connus, inconnus, dont tu te rappelles et dont tu as oublié, les petits, les grands, à quelque niveau et dans quelque domaine qu'ils soient. C'est lui qui te jugera. Donc c'est le seul et l'unique juge. Ce n'est pas les gens les juges. Ce n'est pas eux qui vont juger tes actes pour prononcer la sentence. Non, haja. Le vrai juge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, Allah azza wa jal s'est décrit comme étant juste et équitable. Il n'y aura pas d'injustice, ne serait-ce que du poids d'un atome envers qui que ce soit, ni ses alliés bien-aimés, ni ses ennemis les plus abjects dans la désobéissance à Allah. Que ce soit des mécréants, des associateurs, des pervers, des tyrans, personne parmi toutes ces personnes-ci ne subira ne serait-ce qu'un atome d'injustice venant d'Allah. Allah est le juge et il est juste et équitable. Plus encore, c'est le rétributeur, donc celui qui va juger, celui qui va donner la rétribution, bienfaisant. Il est juste, donc il n'y aura pas d'injustice. Et en plus, il est juge et il t'accordera une bienfaisance venant de sa part. Il pardonnera ce que tu aurais dû payer pour. Il multipliera tes récompenses. Il transformera tes péchés en bonnes actions. Donc, il est bienfaisant dans son jugement. Il fait absolument ce qu'il veut. Allah fait absolument ce qu'il veut. Ce qu'il veut, il le fait. Et ce qu'il fait, il l'a voulu. Cela veut dire que rien ni personne ne peut imposer, ne peut contraindre Allah Azza wa Jal à faire la moindre des choses. De quelque forme qu'il soit. Ni par menace, ni par force, ni par tromperie, ni par contrepartie, rien. Si Allah fait une chose, cela veut dire qu'il a voulu la faire. Et s'il veut faire une chose, rien ni personne ne pourra l'en empêcher, subhanahu wa ta'ala. Il fait absolument ce qu'il veut et nul ne peut contester son jugement. Qui peut contester le jugement d'Allah? Qui peut contester le jugement du Seigneur des mondes, du juge suprême, du juge des juges, le roi au-dessus de tous les rois, le roi des rois? Qui peut? Personne ne peut. Et que reprendre dans ces jugements qui sont basés sur l'équité, la justice et la bienfaisance? Personne. Le seul jugement que les gens peuvent reprendre, c'est les jugements où il y a eu défaillance, injustice, oubli, négligence, sévérité. Mais rien de tout ça n'existe dans les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire. Donc, il fait absolument ce qu'il veut et nul ne peut contester son jugement. S'il saisit pour le péché, c'est par pure justice. Les gens font des péchés. Si Allah veut saisir une personne pour un péché qu'il a fait, est-ce une injustice venant de sa part? C'est la personne qui a transgressé. C'est la personne qui a dépassé les limites. C'est la personne qui a outrepassé les frontières. C'est la personne qui s'est rebellée contre le Seigneur des mondes. Celui qui peut faire ce qu'il veut, celui qui a les armées que personne ne peut compter et personne ne peut cerner. Celui qui triomphe de toute chose et de toute personne. S'il fait le péché, s'il désobéit à Allah, s'il se rebelle contre le Seigneur du monde, Et si Allah Azzawajal veut le saisir pour ses péchés, ce sera pure justice. C'est lui qui a fait, c'est lui qui subit. Il assume ses conséquences. S'il saisit pour le péché, c'est par pure justice. Et s'il pardonne et efface, c'est par sa pure volonté. Si Allah venait à pardonner un péché, absoudre une erreur, il faut savoir, il faut se dire que c'est par pure volonté divine. Rien ni personne ne peut le tromper dans quoi que ce soit. Rien ni personne ne peut le soudoyer. Rien ni personne ne peut lui imposer. Rien ni personne ne peut le menacer. Rien de tout ça. Voilà pourquoi, si une personne venait à faire un péché, il ne lui sert à rien, totalement, strictement, absolument à rien, d'essayer de attendrir autre, attendrir une personne quelle qu'elle soit. Ni un imam, ni un savant, ni le frère un tel, ni le parent, ni rien ni personne. Ni un wali, ni rien. Pourquoi ? Parce que le seul et l'unique qui pardonne les péchés, c'est Allah. Donc le fait d'avoir fait un péché, après partir devant un musolé et sacrifier une bête pour que lui, il soit satisfait de toi, et qu'ensuite il intercède en ta faveur devant Allah, ceci d'abord est faux, c'est du shirk, et en plus ça n'a aucune et pas la moindre utilité. Parce que rien ni personne ne peut contraindre Allah Azzawajal à faire ce qu'il ne veut pas. Et Allah Azzawajal, s'il fait une chose, c'est lui qui en a décidé, subhanahu wa ta'ala. Donc, ne va pas dire à un tel, quel qu'il soit, qui qu'il soit, tu sais, Allah, j'ai fait ça et j'ai fait ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, Allah, je regrette et tout. Tu lui dis, comme si tu espérais que cette personne te pardonne. Comme si tu espérais que cette personne te dit, t'inquiète, c'est rien. Mais il est qui pour dire c'est rien ou c'est grave ? C'est Allah le juge. Et surtout, si la personne fait cela, donc va vers une personne et reconnaît une erreur et essaye d'amadouer la personne pour, entre parenthèses, qu'elle lui pardonne, ceci ne sert à rien. Et en plus, cette personne, elle peut être mensongère dans sa prétendue repentance. Elle peut essayer de tromper la personne. Elle fait la chose et devant, ah oui, cheikh, oula, tu sais, ou la frère, toi tu es là-bas, tu es mon wa, machallah, oula, tout à l'heure j'ai fumé la cigarette et je ne voulais pas, et alors qu'il a un paquet bien rempli dans sa poche et qu'il compte le consommer plus tard. Donc, tu peux faire ça avec les gens, mais ça sert à quoi ? Parce que le pardonneur seul et unique, c'est Allah subhanahu wa azzawajal. Donc, s'il saisit pour un péché, c'est par justice. Et s'il pardonne et efface, c'est par pure volonté divine, subhanahu wa ta'ala. C'est par sa vaste science, Allah sait à qui il accorde. Qui est sincère et véridique, qui a fait un péché par erreur sans vraiment le vouloir, par contrainte, par faiblesse, qui mérite qu'il lui pardonne et qui ne mérite pas. S'il pardonne et efface, c'est par sa pure volonté et sa vaste science et son étendue sagesse. Il sait s'il pardonne à un tel et pourquoi, et quand, et comment. Il sait est-ce qu'aujourd'hui il doit lui pardonner ou il doit lui reporter à demain ou plus tard, ou yawm al-qiyama. Il sait est-ce qu'il lui pardonne tel péché, est-ce qu'il ne lui pardonne pas tel autre péché. Il a la sagesse. Et il met les choses là où il faut et comme il faut, subhanahu wa ta'ala. S'il pardonne et efface, c'est par pure volonté, par sa vaste science et son étendue sagesse et par la beauté de sa bienfaisance. La personne qui fait un péché est dans le faux, est dans l'erreur, est dans la déviance. Et si Allah lui pardonne, c'est par bienfaisance, c'est par grâce, c'est par bonté, c'est par miséricorde. Parce que la personne mérite mérite le résultat de ce qu'elle a fait. Et si Allah pardonne, c'est une grâce, c'est un don, c'est un pardon, c'est une bienfaisance de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est par beauté de sa bienfaisance et par la noblesse de sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Demandez le pardon, je vous pardonnerai. Repentez-vous, vous me trouverez accueillant le repentir. Il a promis. Et s'il pardonne réellement, effectivement, à une personne, ça, c'est le fait, ça revient au fait qu'Allah Azza wa Jal a tenu sa promesse. Et qui autre qu'Allah Azza wa Jal peut aussi bien tenir sa promesse que notre Seigneur et Créateur, le Tout, subhanahu wa ta'ala. Il a promis que sa miséricorde précéderait sa colère. Lorsqu'il pardonne, cela veut dire qu'il a mis en pratique cette promesse. Donc vous voyez la perfection de tout cela. Parmi les preuves qui attestent de cela, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal rapporte l'invocation de Isa alayhi salam, cette noble personne qui viendra yawm al-qiyamah sans le moindre péché. Il n'aura pas un péché dans son registre. Il dira à son Seigneur Créateur le Tout-Haut, si tu leur fais subir un châtiment, alors ce ne sont que tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, alors c'est toi le noble et le sage. Et Isa alayhi salam invoquera son Seigneur, Yawm al-Qiyam. Il lui dira, si tu leur fais subir un châtiment, ce n'est que tes serviteurs. Cela veut dire que si ces serviteurs-là dont on parle ont fait ce pour quoi ils méritent ton châtiment, et qu'ensuite, de par justice, tu leur fais subir le sort qu'ils méritent suite à ces péchés, à ces transgressions, à ces égarements, ce ne sont que tes serviteurs. Tu en fais ce que tu veux. Et bien sûr, Allah ne fait que ce qui est juste et correct et convenable. Et c'est lui le juge. Donc, si tu les fais subir un châtiment, ce ne sont que tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le noble, le puissant, le sage. Il n'a pas dit c'est toi le tout miséricordieux, le très pardonneur. Non, il n'a pas dit tout ça. Il a dit que c'est toi le noble, doté de force, de suprématie. Pourquoi ? Pour prouver que s'il aurait voulu leur faire subir un châtiment, il n'aurait pas eu l'incapacité. S'il aurait voulu, il l'aurait fait. Mais c'est par miséricorde, par bonté, par clémence, par noblesse de sa part, subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne. Et c'est toi le sage, tu sais qui, à qui tu accordes ta miséricorde et à qui tu prives cette miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Si on résume, si on venait à résumer cet élément, c'est de dire que si jamais tu fais un péché, ne va pas chercher pardon auprès d'autre qu'Allah. Quelle que soit cette personne, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Ibn Taymiyyah, ni l'imam Malik, ni l'Albani, ni l'Uthaymin, ni Sheikh, ni savant, ni imam, ni un tel, rien, ni personne. Le péché que tu as fait, c'est une transgression de ce que t'a imposé ton Seigneur et Créateur. Donc il faut revenir vers lui et ne fais pas semblant. Parce que tu sais qu'il connaît les fins fonds profondeurs de ton corps, de ton cœur, et les plus subtils de tes pensées et de tes intentions. Alors, avoir l'agrément des gens, l'aval des gens, le pardon des gens, ça n'a aucune valeur. Ni ça te rajoutera, ni ça te diminuera. Ni ça, ni l'opposé. Le seul et l'unique vrai, véritable juge, c'est Allah Azza wa Jal. C'est pour cela, Lorsqu'on parle des jugements des gens, oui, les gens vont dire, les gens vont pas dire, les gens vont me voir, tu vois, et tout. L'ostentation, tout ça, en vrai, de vrai, si tu réfléchis bien, finalement, ça sert à quoi? Les gens vont me voir avec un camis flambant neuf, tout blanc. On dirait que, voilà, il est illuminé, toujours dans le premier rang, toujours. Si tu fais ça que pour les gens, ils vont rien faire pour toi, rien ni personne. Rien ni personne. Et si tu fais un péché et tu le caches dans ta maison fermée, dans la pièce fermée, avec obscurité totale, ça sert à rien. Parce que lui, il te voit. Il a été rapporté qu'un homme a voulu faire avec une femme ce qui est interdit. Elle n'était pas son épouse. Il a pris à partie dans un lieu où il a. Moi-même, il a pu la rencontrer dans un lieu et il lui a dit en fait. Il lui a dit là, on est dans un endroit où personne ne nous voit. Il n'y a que les étoiles. Elle lui a dit Wamukawirun et celui qui a créé, qui a établi, qui a fait les étoiles, il ne nous voit pas. Comme si c'était une dague qu'elle a plantée dans son cœur. Et il est parti. Donc, les gens, c'est beau. Mais ce n'est pas ça qui va te délivrer, qui va te sauver lorsque tu seras seul dans ta tombe. Et lorsque tu sortiras de la terre, ressuscité, pour être jugé. Est-ce que tu penses que moi, je vais venir, ah oui, un tel, je le connaissais, laissez-le tranquille. Est-ce que tu penses que toi, tu vas faire ça pour ton ami? Ou l'imam de la mosquée va faire ça pour le mouaddine? Ou le mouaddine va faire ça pour la personne qui était dans le premier ou troisième rang? Les prophètes et messagers diront, nefsi, nefsi, ma propre personne. Si je suis sauvé, moi, alhamdoulillah. Qui, les prophètes et messagers? Ces pures personnes. Donc tu fasses un tel ou tu ne fasses pas, un tel fasse tes éloges ou fasse tes critiques. Ce n'est pas ça qui est utile. Ce n'est pas ça qui est véritable. Ce n'est pas ça qui est concret. Ce n'est pas ça qui te servira à quoi que ce soit. Ce qui te servira, c'est son jugement à lui, subhanahu wa ta'ala. Comment te jugera-t-il? Selon ce qu'il y a dans ta poitrine, dans ton cœur. Et selon ce que tu accomplis comme acte et parole. Qu'Allah Azzawajal nous guide vers le droit chemin et nous accorde sa miséricorde. Amen. Quatrièmement, le quatrième point, c'est de savoir qu'Allah, élevé soit-il, a légiféré des causes menant au pardon des péchés et à leur effacement. Celui qui les emprunte, il est espéré qu'il obtienne son souhait, si Allah le veut. Et celui qui ne le fait pas est sous sa volonté, purifié et élevé soit-il. S'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le châtie. Allah Azzawajal est pardonneur des péchés. Il absout les péchés également. Et Allah Azzawajal a établi dans cette existence qu'il y ait des causes qui donnent des résultats. Dans ce domaine-là, du pardon des péchés, là aussi, Allah a établi qu'il y ait des causes qui donnent les résultats. Les causes du pardon des péchés, c'est des actes légiférés par Allah Azzawajal qui donnent le résultat qui est le pardon des péchés. Un exemple, celui qui jeûne le jour de Arafat, Allah lui pardonnera les péchés de l'année passée et les péchés de l'année précédente. Celui qui fait un hajj correct et convenable comme Allah l'a ordonné, il reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde, sans zéro péché. Donc, Allah a établi ses causes religieuses. Ces causes légiférées. Celui qui les fait, il a grand espoir qu'Allah Azzawajal lui pardonne. Et s'il fait les choses correctement, convenablement, avec l'intention, avec la façon, dans le cadre qu'Allah Azzawajal a établi, il n'y a pas de doute qu'Allah lui pardonnera. Allah a promis. Donc, Allah lui pardonnera. Inch'Allah. Et c'est lui qui juge. Et celui qui a fait des péchés, qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas demandé pardon, qui n'est pas revenu vers Allah, pour une raison ou pour une autre. Cette personne viendra le jour de la résurrection avec ses péchés inscrits dans son registre. Et ces péchés seront mis éventuellement sur le côté de la balance de ces, des péchés. Mais ces péchés, il se peut qu'Allah Azzawajal les pardonne, alors que la personne n'a pas fait les causes pour être pardonnée, mais il se peut qu'Allah les pardonne. Tout comme il se peut qu'Allah Azzawajal les maintienne et fasse subir à la personne les conséquences qui s'imposent. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, qu'il existe des gens qui viendront le jour de la résurrection avec des péchés qui n'ont pas été absous, pardonnés et effacés. Ces personnes-ci seront entre les mains d'Allah, dépendront de la volonté d'Allah. S'il veut leur accorder son pardon, il leur pardonnera alors que les péchés sont là, qui n'ont pas eu d'acte de repentance, de pardon, d'expiation. Et s'il veut, comme nous avons dit il y a quelques instants, il leur fait subir ce qu'ils méritent par justice et par pure justice. Dire cela implique le fait de ne pas se permettre de dire « si tu fais telle chose, tu iras en enfer ». Comme les parents ont tendance de dire à leur enfant « attention, si tu voles une pomme, tu iras en enfer ». Attention, si tu ne pries pas, tu iras en enfer. C'est pas correct de dire ça. Ce qui est correct, c'est de dire voler une pomme, c'est haram. Désobéir aux parents, c'est haram. Ne pas prier, c'est un grand parmi les plus grands péchés qu'on puisse imaginer. Mais si cette personne vient auprès d'Allah avec ses péchés, c'est Allah qui décidera. Est-ce qu'il lui pardonne ou pas ? C'est pas toi. Et il n'est pas dit que toute personne qui viendra à Yom Kiyam avec des péchés, il n'est pas dit que cette personne, toute personne, ira forcément en enfer. D'abord, il y a la miséricorde d'Allah. Ensuite, fait partie de la miséricorde d'Allah, il y a la balance. Parce que ceux qui rentreront au paradis, ce n'est pas ceux qui auront que des hasanats. Que veut dire la balance ? La balance, c'est une création d'Allah Azzawajal, dans laquelle il y a deux plateaux. Dans un plateau, il sera mis les bonnes actions et dans l'autre plateau, sera mis les mauvaises. Et lequel des deux est plus lourd, c'est ce qui scellera son sort. Cela veut dire que tu peux avoir tant et tant de bonnes actions et moins de mauvaises actions, malgré que tu as eu des mauvaises actions qui n'ont pas été pardonnées par Allah, mais de par la grâce d'Allah avec la balance, et le fait que tes bonnes actions soient plus lourdes, tu entreras au paradis, si Allah le permet. Donc, il faut éviter cette erreur que nous faisons souvent. Si tu fais ce péché, tu rentreras au paradis. Même s'il émane d'une bonne intention, d'une éducation, le fait de faire peur à la personne pour qu'elle évite des péchés, mais il faut éviter de dire ce qui est faux. Et dire ce qui est faux peut inculquer une croyance qui est ancrée dans le cœur de la personne. Et nous, on ne doit avoir que des croyances correctes et authentiques et conformes. Yawm al-Qiyamah, si des gens viendront avec des péchés qui n'ont pas au préalable été pardonnés, ces gens dépendront du jugement et de la volonté d'Allah. Comme nous avons dit, s'il veut leur pardonner, il leur pardonne. Et s'il veut leur faire subir les conséquences de leurs actes, il leur fera. Nous appelons notre Seigneur et Créateur le Tout-Haut, nous qui sommes couvrés de péchés, de nous faire preuve de sa miséricorde et de sa clémence. Le cinquième élément de par lequel le serviteur d'Allah Azzawajal doit adorer Allah Azzawajal à travers ses nobles noms, c'est le fait de savoir qu'Allah, élevé soit-il, a établi des conditions au pardon des péchés et leur effacement, parmi lesquelles, nous avons cité que Allah Azzawajal pardonne les péchés, soit après que le serviteur ait fait des causes, soit par pure volonté de lui, subhanahu wa azzawajal. Mais ce pardon des péchés est conditionné par un certain nombre de conditions. L'une de ces conditions, la première de ces conditions, c'est de ne pas persister dans le péché. Allah a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés, si ce n'est Allah. Et qui ne persiste pas sciemment dans ce qu'ils ont fait, Ceux-là auront pour récompense un pardon de leur Seigneur ainsi que des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils demeureront éternellement, et quelle excellente récompense pour que celle de ceux qui œuvrent. La première condition pour le pardon des péchés, c'est de ne pas persister. Que veut dire persister dans le péché ? Persister dans le péché veut dire de ne pas regretter ce qui a été fait. Et ne pas avoir la ferme intention de ne plus revenir à ce péché. Attention, je dis ne pas avoir la ferme intention de ne pas revenir à ce péché. Le fait de persister, c'est de rester sur le péché, ne pas l'arrêter, ne pas le stopper. Ça, c'est la persistance. Et persister dénote d'une grande rébellion devant Allah, face à Allah subhanahu wa ta'ala. Dénote d'un grave attachement à la désobéissance d'Allah azza wa jalla. Une persistance, la personne persiste, récidive, en faisant la chose ou juste en ayant l'intention. C'est pour ça que je vous ai dit que la première chose, le premier élément, c'est regretter ce que tu as fait. Si tu as fait un péché, tu ne le regrettes pas. Que tu aies fait le hajj, le jeûne, il est à craindre qu'Allah ne te pardonne pas parce que tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Même si ce que tu as fait date de 30, 40, 50 ans, même si tu l'as fait à tes 15 ans et tu as 70 ans, mais tu n'as pas regretté ce que tu as fait à tes 15 ans, il fut un temps où j'ai fait, c'était l'été, j'ai fait telle et telle chose, eh oui, c'était l'époque où tu as 70 ans et tu as fait le hajj, tu as fait, ça veut dire que là, tu ne te repens pas, tu ne demandes pas, tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Cela veut dire qu'il est à craindre, il est à craindre parce que c'est Allah qui juge, ce n'est pas nous, il est à craindre que ce péché ne soit pas pardonné. Parce qu'il y a persistance. Parmi la persistance, il y a le fait de ne pas ressentir des remords. Je l'ai fait, salam, khlas. Vous allez me saouler tout le temps. Tout le temps, je vais me torturer l'esprit parce que j'ai fait un péché. Je l'ai fait, khlas. Persistance. Pas de regret. Pas de crainte, pas de peur. Rentre dans cela également le fait de vouloir le faire dans le futur, ou bien de chercher à le faire, ou bien de ne pas avoir la ferme intention de ne plus le faire. Ça veut dire que si l'occasion se présente, pourquoi pas. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous décris, ce qui va dans ce même sens, revient à cette notion de persistance, de persister dans le péché. Celui qui persiste dans le péché, il est à craindre qu'Allah ne lui pardonne pas. Et Allah l'a dit dans le Coran, comme nous avons vu. Et ces versets-là sont des versets très touchants, très bouleversants, qui font naître, qui font croître, qui renforcent l'espoir en Allah et la bonne opinion d'Allah azzawajal, que doit avoir le serviteur envers son Seigneur. Allah a dit, selon la traduction approximative et rapprochée de son Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude, » Elle a décrit des gens qui ont fait quoi ? Une turpitude. Les savants ont dit que c'est les grands péchés. Ou se font du tort à eux-mêmes. Parce que quand une personne fait un péché, il fait du tort à qui ? La première personne à qui il fait du tort, c'est elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il expose sa propre personne à la colère d'Allah et à son châtiment. Donc qui va perdre en dehors de toi ? Si tu fais un péché, ce n'est pas ton père qui va payer pour ce péché. Si tu vas payer pour ce péché, ton père ne va pas payer avec toi. Si tu fais un péché, ce n'est pas ta femme qui va payer avec toi. Ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton chir, ce n'est pas ton imam, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton collègue. Non, tu fais un péché, c'est toi qui vas payer. Donc, quand tu fais un péché, tu te fais du tort à toi-même. Et les savants disent que se faire du tort à soi-même, ça, c'est une description des péchés minimes. Donc, il a cité les turpitudes, les grands péchés, et les péchés minimes, il les a cités en disant qu'il y a une personne qui fait du tort à soi-même. Hajib. On parle des petits péchés, des péchés minimes. Et malgré cela, ils ont été décrits comme étant du tort que se fait la personne à soi-même. Alors que dire des grands péchés? Que dire des péchés capitaux? Et ceux qui, lorsqu'ils commettent des turpitudes ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah. Se souvenir d'Allah, ce n'est pas un acte que tu fais, ce n'est pas un habit que tu mets, ce n'est pas une barque que tu lâches. Ce n'est pas une beauté que tu as, ce n'est pas de l'argent, non. Il se souvient d'Allah, intérieurement, véridiquement, sincèrement, réellement. Ah oui, subhanallah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait ça. Et Allah, il m'a vu. Et bien sûr qu'il me voit. Allah, bien sûr qu'il sait. J'ai fait ça devant Allah. Subhanallah. Il se souvient de la grandeur d'Allah. Sa suprématie, de sa royauté. Il se souvient de sa colère, de son châtiment. Et ils ont peur. Ils craignent. Ça veut dire que... Et en même temps, ils se souviennent d'Allah. Ils se souviennent de sa miséricorde, sa clémence, son pardon, sa grâce, son absolution. Crainte et espoir. Crainte et espoir. Alors, ils font quoi? Ils se souviennent d'Allah et demandent le pardon pour leur péché. Le péché, tu l'as fait. Ton sort n'est pas scellé jusqu'à présent. Il y a la vie en toi, donc il y a de l'espoir. Qu'est-ce que je dois faire après avoir fait le péché? Revenir vers ton Seigneur. Une fois que je reviens vers lui, ça consiste à quoi? Reconnaître ton erreur. Regretter. Et demander le pardon pour ce que tu as fait. Et demande pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés si ce n'est Allah? Ça renvoie vers ce que nous avons dit tout à l'heure. Qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? Ton père, ta mère, l'imam, le shir, le frère, les gens, la communauté, les ikhwas, les akhawat. Non, même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? C'est qu'Allah Azzawajal qui pardonne les péchés. Rien n'est personne autre que lui. Après, il a dit, se souvient, je répète, et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude et se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés, si ce n'est Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. La condition, il faut qu'ils pense à Allah. Il faut qu'il demande pardon. Et il faut qu'il ne persiste pas. C'est quoi le résultat? Ceux-là auront pour récompense un pardon de leur Seigneur. Un pardon de qui? Pas de shir, pas de un tel, pas des gens, pas du groupe dans lequel je suis. Non, un pardon d'Allah. Mais c'est qui aura ce pardon? De qui parle-t-on? On parle de ceux qui ont fait des turpitudes, des grands péchés. Ceux qui ont commis à leur propre détriment des injustices. Et ceux-là auront le pardon d'Allah. Sous condition. Se rappeler, demander le pardon et ne pas persister. Il n'est pas question que du pardon. Ceux-là auront pour récompense un pardon de leur Seigneur ainsi que des jardins sous lesquels coulent les rivières et ils y demeureront éternellement. Ajib, à qui on promet le paradis ici? À qui? À ceux qui ont fait des turpitudes. Tant mon frère, ce n'est pas toi de juger, ce n'est pas parce qu'un tel a fait, dit, ah oui, toi tu as fait, donc toi tu subiras telle et telle chose. Ce n'est pas toi qui décide. Ce n'est pas toi le juge. Il se peut que cette personne qui a fait des choses comme des montagnes se repente. Allah le guide au repentir. Et Allah lui pardonne. Donc ne juge pas. Sois une miséricorde pour les gens. Sois une clémence, sois une miséricorde. Essaye d'être une personne qui fait naître l'espoir dans le cœur des gens vis-à-vis de leur Seigneur, avec la crainte également. Mais ce n'est pas toi qui juges. Un tel, je l'ai vu, lui, Non, tu sais pas ce que lui décide et personne ne peut le savoir. Mais il faut pas se leurrer soi-même. Il faut pas se mentir à soi-même. Il faut pas se tromper soi-même. Pour avoir ses grâces, ses dons, ses bontés, il faut les mériter. Et qui peut prétendre mériter cela? Qui peut prétendre mériter? Qui peut prétendre qu'il s'est repenti sincèrement et véridiquement? Réfléchissez maintenant, juste en écoutant ces propos. Est-ce que vous regrettez réellement et amèrement les péchés que vous avez faits? Est-ce que des fois, vous ne regardez pas des photos? Ah oui, t'as vu, il fut un temps. Est-ce que vous n'y pensez pas des fois? Est-ce que vous ne croisez pas des endroits, des personnes avec qui vous avez fait des choses? Et oui, avant, tu vois, j'avais ci, j'avais ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. J'ai vécu, moi, dans ma vie. J'ai fait des choses. Fier de toi. Et ça, c'est des choses qui sont très subtilement cachées dans les profondeurs de ton cœur. Tu peux cacher, encore une fois, par un habit, par une apparence, par une masha'Allah, masha'Allah, akhi karim, Allahumma barik et tout. Tu peux couvrir ça, tu peux camoufler. Mais pour qui tu camoufles? Tu camoufles pour les gens qui sont comme toi et qui n'auront rien à te faire le jour de la résurrection. Car celui qui te jugera, ce n'est pas eux, c'est lui. Et lui, c'est toute chose. Même si toutes les conditions de dissimulation ont été réunies pour dissimuler ton intention, ta pensée, ta croyance, tes actes, il les sait. Ce qui est caché, ce qui est apparent pour lui est la même chose. Il n'y a pas de différence. Qu'Allah Azzawajal nous accorde son pardon, sa miséricorde et sa clémence. الشرط الثاني لمغفرة الذنوب والتجاوز عنها عدم المجاهرة بها. قال النبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه كل أمتي معافى إلا المجاهرون المعلنون بذنوبهم المخبرون غيرهم بها وإن من المجانة المجانة وإن من المجانة أي المجونة وقلة الحياء والرذالة والسقوط أن يعمل الرجل بالليل ذنبا ثم يصبح وقد ستره الله في الليل ربي ستره ما كاش لي عرف وش دار ثم يقول هذاك البارح في الليل أنا درت كذا وكذا فعلت وفعلت وقد بات الله رب العالمين الرحمن الرحيم يستره وهو يكشف ستر الله على نفسه ربي يستره ويفضح روحه فهذا ليس بمعافى ويخشى عليه أن لا يغفر الله له Donc la seconde condition parmi les conditions de l'absolution des péchés c'est de ne pas les commettre publiquement, ouvertement, ou de ne pas en informer les gens. La preuve étant que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager de la miséricorde et de la guidée, a dit « Toute ma communauté est préservée, sauf ceux qui commettent les péchés ouvertement, et fait partie de l'impudeur que l'homme accomplisse un acte la nuit, puis se lève le matin alors qu'Allah l'a couvert, et qu'il dise « Ou un tel, j'ai fait hier telle et telle chose ». Alors que son Seigneur l'avait couvert durant la nuit entière, et qu'au matin, il retire le voile d'Allah sur lui. Vous savez, mes frères, Allah, les péchés, c'est une défaillance, c'est une saleté, c'est une souillure, c'est une mauvaise chose qui se colle à nous. Des fois, de par sa miséricorde, de par sa bonté, de par sa clémence, Allah nous couvre. Tu as fait une chose et personne ne t'a vu. Ou peut-être des personnes t'ont vu, mais ils ne sont pas proches de toi, ils s'en fichent, ils ne vont pas parler. Et c'est un grand bienfait, parce que, comme a dit certains gens, si nos péchés avaient des odeurs, personne ne se serait rapproché de nous. Imaginez que chaque péché te donne une mauvaise odeur. Est-ce que tu penses que les gens pourront se rapprocher de toi au vu de tous les péchés que tu as faits, les petits et les grands? Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal te couvre, que tu fasses un péché et que personne ne le sache, c'est pas par subtilité de ta part, c'est pas intelligence, c'est pas le crime parfait. Non. C'est Allah qui a mis son voile sur toi. Allah qui t'a couvert. Même la nuit, chez toi, à la maison, la porte fermée, la chambre fermée, dans l'obscurité, tu mets le mode privé, le mode sécurisé, tu fais ce que tu veux. Si Allah aurait voulu que de te dévoiler, il t'aurait dévoilé. Et combien y a-t-il de personnes qui ont été dévoilées? Combien? Vous savez tous, vous entendez les informations, vous savez ce qui se passe. Combien y a-t-il de personnes qui ont été dévoilées d'une manière ou d'une autre? Le téléphone, il tombe en panne, il emmène chez un réparateur, et le réparateur, ah oui, il y a ça, il balance. C'est arrivé. Un PC portable tombe en panne, le réparateur, il répare, il voit des choses, et il ne se retient pas de dire, de faire. Il se peut, tout est possible. Donc, si Allah te couvre, c'est par miséricorde, c'est par bonté de sa part. Ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il fait de bien pour toi. Donc faire un péché publiquement revient à transgresser Allah, les lois d'Allah Azza wa Jal publiquement et ouvertement, comme si tu n'as pas peur de lui. Comme si tu ne te soucies pas de ton sort devant lui, subhanahu Azza wa Jal. Voilà pourquoi, parmi les conditions du pardon des péchés, c'est le fait de ne pas les faire ouvertement et publiquement et de ne pas les annoncer aux gens. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute ma communauté sera préservée, sera pardonnée, sauf ceux qui commettent les péchés ouvertement. » Et fait partie de l'impudeur, de l'indécence, du non-respect de ton Seigneur, que l'homme accomplisse un acte la nuit, puis se lève le matin alors qu'Allah l'a couvert, et qu'il dise « Ô un tel, j'ai fait hier telle et telle chose. » Hier, j'ai fait. Alors que son Seigneur l'avait couvert durant la nuit tout entière. Et au matin, il retire le voile d'Allah. Qu'en est-il d'une telle personne? Il ne sera pas mu'afa, il ne sera pas préservé, il ne sera pas pardonné auprès d'Allah yawm al-qiyamah. Donc ceci est la seconde condition parmi les conditions du pardon des péchés. Et on s'arrête là, Inch'Allah Azza wa Jal, espérant qu'Allah Azza wa Jal nous permette de poursuivre la semaine prochaine, Inch'Allah. Nous implorons notre Seigneur et Créateur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le grand pardonneur, le très pardonneur, l'absoluteur, l'ahad, al-samad, al-hayy, al-qayyum. Nous implorons de nous accorder sa miséricorde, sa clémence et son pardon dans ce bas monde, dans l'au-delà, nous, nos proches, nos familles, nos parents, et tout musulman et toute musulmane. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Voilà. S'il y a des questions, sinon je vous libère. Non. معنى الإصرار. معنى الإصرار. هو القيام على الذنب. ولزومه. وعدم الندم على فعله وعدم العزم على عدم الرجوع إليه. قد ذكرنا الكلمة الفواحش في الآية, ما معنى الفواحش؟ إنها خطية خاصة أو إنها كبيرة؟ قلنا كبائر الذنوب, شرحت ذلك الله أعلم. قلت بأن الفواحش هي كبائر الذنوب. هكذا قال الشيخ العثيمين والشيخ سعدي. نعم. إذا كانت الإنسان قام بأحد الأمور الأربعة التي ذكرناها بالنسبة للإصرار, يعد مصرا أم يجب أن تجتمع فيه الأربعة؟ يعد مصرا بمجرد الواحدة. فإذا كان مثلا قائم على شرب الخمر أو على الدخان أو على الكذب أو على العمل فيما هو محرم وباقي عليه، خلاص هذا مصير. ونفس الشيء إذا فعل مرة واحدة ولم يندم على هذا الفعل فهو مصر، والله أعلم. البوت ما كاين ولا بوت. نعم، dernière question إن شاء الله. par rapport au cours dernier, personne un homme qui a tué 100 personnes, Ali lui dit faire tauba et quitter ce lieu. C'est une condition que ce tauba accepte et quitter ce lieu. C'est ça? Je ne connais pas que c'est une condition de repentir. C'est un élément qui va l'aider à se repentir. Oui, d'autres hadiths qui Allah n'accepte pas les actions de Mouchid qui est converti à l'islam. Comment qu'il peut. Fasse la hijra. Oui, voilà. Ça veut dire que nos actions ne sont pas acceptées ou... Le frère. D'abord, il pose la question sur la personne qui a tué 99 personnes, ou bien 100 personnes, et qu'ensuite le savant lui a dit qu'il devait quitter la ville dans laquelle il a commis les péchés. Il a dit, est-ce une condition pour le repentir? La réponse est, à ma connaissance, non, ce n'est pas une condition, Allahu a'lam. C'est juste que ça, c'est un élément favorisant le repentir. Parce que rester dans les lieux où les gens, où tu as péché, ça peut te rappeler tes péchés, te faciliter les péchés, etc. Ensuite, il a parlé de ceux qui embrassent l'islam alors qu'ils étaient dans un pays non musulman. Est-ce que leurs actions seront suspendues jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra? Ça, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, chacun sera jugé pour sa situation et selon ses conditions. C'est ça, bien sûr. C'est suspendu, c'est pas effacé, c'est pas que ça n'a pas de valeur du tout. C'est juste que tant que il n'y a pas l'accomplissement de cette obligation-là, les actions seront suspendues. Et bien sûr, encore une fois, chacun n'est pas comme chacun peut être différent de chacun. C'est au cas par cas, c'est Allah qui juge, c'est pas nous. Allahu a'lam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.